بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 80 كتوتم لسون. قال المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال 49 بعد 500 من هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة وماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ Qui est le compagnon qui a demandé au Nabi صلى الله عليه وسلم d'être en son compagnie au paradis et que lui a répondu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, qui était parmi les gens de Soufa qui vivaient au Mesjid et qui servaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que je lui apportais la nuit, je dormais avec lui et je lui apportais de l'eau pour qu'il fasse l'eau ou pour qu'il fasse ses besoins. Et un jour, قال لي سل, il lui a dit demande-moi. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة, je te demande ta compagnie au paradis. Le Nabi sallam il a dit aurait le zalika, et pour autre chose il a dit non, c'est ça que je veux. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعني على نفسك بكثرة السجود, donc il lui a dit, il a exhorté à faire beaucoup de prosternation, beaucoup de prosternation, rapporté par Muslim. ثم قال في سؤال 550 question. اذكر ثلاثة من المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Cite trois des مؤذنين, ce qu'ils font appel la salat, à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc ils sont Bilal ibn Rabah, qui était le Habashi, un Éthiopien, معروف. Abu Mahzoura et Ibn Maktoum. Et ثم فعل دليل c'est le hadith de Aïcha. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين بلال وابو مخذورة وابن أم مكتوم كما قال عائشة كان لديه ثلاثة مؤذن وعسيتا لثلاثة نوم. أبقى قال في السؤال 51 بعد 500 اذكر ثلاثة من شعراء رسول صلى الله عليه وسلم. سي تخوا دي بوئت دي النبي صلى الله عليه وسلم لي بوئت كار لا بوئزي تيت اون شوز لسكي لي فات كونفونابلمون pour sauver la vérité, c'est une chose qui est noble. Sans quoi, c'est une chose qui est blâmée. Donc, c'est Hassan ibn Thabit, ou Abdullah ibn Rawaha, et Ka'b ibn Malik. Et après, c'est un long hadith dans lequel le nom était nommé, et le prophète sallam leur disait, Urjouhum, il disait, répondez-leur. C'est-à-dire avec la poésie de répondre à Quraysh. Car les Arabes étaient connus pour cela, avoir une, d'apporter une grande attache à la poésie, car leur grande faculté c'était l'éloquence dans le parler. D'où le fait que le Coran, Allah Azza wa Jalla, à chaque fois, les mettait au défi de venir avec des versets similaires, chose qu'ils ne pouvaient pas faire. D'accord ? Ça veut dire qu'il les défiait dans leur domaine qui était l'éloquence dans le parler. Et la poésie, elle est la plus grande forme d'éloquence que l'on puisse entendre dans le parler des Arabes, leur poésie. Et je vous le dis, la poésie en arabe n'a rien à voir avec ce qu'on a appris en français, comme les femmes de La Fontaine ou je ne sais d'autres. D'ailleurs, La Fontaine lui-même, apparemment, il serait inspiré des poésies des Arabes à la base. Comme ces contes qui sont pris, ce sont des contes à la base qui étaient chez les Arabes. Et que lui a retransmis en français. Et les sagesses qu'il cite dans ses fables, ça a été pris des Arabes. Quoi qu'il en soit, la poésie n'a rien à voir. Et les poètes arabes auraient de quoi rendre jaloux les plus grands interprètes, ou plutôt les plus grands auteurs français, dans ceux qui écrivent des chansons, qui écrivent des poésies. Lorsqu'on connaît la complexité de la langue arabe et toute sa beauté, la langue française paraît toute maigre à côté, toute moche. Et je vous le dis clairement, quand quelqu'un commence à lire en langue arabe et il parle en langue arabe, quand il entend en français, ça lui paraît vraiment fade. Voilà le musta'an. Ce maqalé fi su'al, الثالث وخمسين بعد خمسمية 553 question. يقول اذكر خمسة من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. Cite 5 des scribes du Nabi صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire ceux qui écrivaient le wahi, la révélation. Car comme vous le savez, le Nabi صلى الله عليه وسلم ne savait pas écrire ni lire. Donc lorsque le Coran lui était révélé, il était écrit sur différents supports, comme sur des peaux, sur du cuir ou du parchemin ou autre. Tout ce qui était trouvé comme support, la révélation était écrite. Et par la suite, tout cela a été réuni dans un seul mushaf. Donc ces coups de thème, c'est Amr ibn al-As, Zayd ibn Thabit, D'ailleurs, qui lui-même, Zayl Moustaabil, c'est lui dont on avait cité, qui avait appris la langue des Juifs en 17 jours. Abdullah ibn Rawaha, qui était parmi les poètes cités précédemment. Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui est connu, qui est devenu par la suite, on va dire, un roi, mais qui en réalité est comme un cinquième calife, après Omar ibn Abdel Aziz. Et Khalid ibn Walid. Et Khalid ibn Walid, qui est Saifullah. Ceux-là écrivaient la révélation, et d'autres encore. Et parmi eux, il y en avait un qui avait écrit la révélation, qui était un homme qui était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui par la suite a apostasié. Et il disait que Mohammed n'écrivait que ce que moi je lui disais. Et il est mort en se christianisant. Ils l'ont enterré et le lendemain, c'est-à-dire il est mort, après il s'est fait enterrer. Et le lendemain, les gens ont trouvé son corps à l'extérieur de la terre. Ils l'ont réenterré. Donc ça c'est Mohammed qui a sorti son corps. Ils l'ont enterré une deuxième fois, un peu plus profondément. Ils sont revenus le lendemain, ils l'ont retrouvé déterré. Ils disent c'est Mohammed qui l'a tué parce que cet homme-là a délaissé Mohammed. Et après, ils l'ont enterré très profondément. Très très profondément, ils sont revenus le lendemain, ils ont trouvé son corps à l'extérieur de la terre. Et là, ils ont compris que ce n'était pas une chose qui venait d'un être humain. Et ils l'ont laissé comme ça sur le sol. Et là, c'est une preuve que les gens rapprochés et de haut rang, de haut statut, ne sont pas infaillibles. Car comme cet homme-là qui était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui écrivait la révélation, le Coran à l'époque, malgré cela, l'apostasie, elle est tombée à tel point que la terre l'a recraché. Donc ne pas croire qu'une personne aujourd'hui, elle est de haut rang, elle est à un grand statut, aimée par tout le monde, qu'elle est infaillible jusqu'à sa mort. On ne sait pas ce qui peut lui arriver. Tant qu'elle est vivante, la personne n'est pas à l'abri de l'épreuve. On a sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Sadaq tafibi adal yo. Naam. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك